Pourquoi du Guesclin a-t-il été enterré 4 fois? Bertrand du Guesclin, né vers 1320, est l'un des personnages les plus connus de notre histoire en raison du rôle éminent qu'il a joué pendant la guerre de Cent Ans. Fils aîné d'un petit seigneur breton, affligé d'un physique dont la laideur devint légendaire, Bertrand adopta pour devise « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Certains y verront la preuve qu'on se console comme on peut. Mais c'est peut-être pour justifier cette devise que du Guesclin passa sa vie sur les champs de bataille. En octobre 1370, pour le récompenser de sa bravoure, il fut fait connétable de France par le roi Charles V. Plutôt que de ses exploits guerriers, je vous parlerai aujourd'hui des rituels qui ont suivi la mort de du Guesclin, survenue le 13 juillet 1380. La dynastie capétienne avait adopté ce qu'on appelait en latin la dilaceratio corporis, c'est-à-dire la tripartition du corps. Cette technique funéraire consistait à séparer le corps d'un défunt de haut rang en plusieurs parties, généralement entre les ossements, le cœur et les entrailles, ce qui permettait d'organiser 3 cérémonies, les funérailles du corps, celles du cœur et celles des entrailles, dans 3 lieux de sépulture avec un tombeau de corps, un tombeau de cœur et un tombeau d'entrailles. Dans son testament, du Guesclin avait choisi comme lieu de sépulture la chapelle où étaient enterrés ses ancêtres à Dinan. Mais comme il mourut alors qu'il guerroyait devant Châteauneuf de Randon, en Lozère, il fallut transporter son corps jusqu'en Bretagne. Appuyé en Velay, les entrailles du connétable furent retirées du corps, à l'exception du cœur, et enterrées dans l'église des Dominicains. Le cortège funèbre poursuivit sa route en emportant le cœur et le corps embaumés. Mais à Montferrand, on s'aperçut que l'embaumement avait été insuffisant. On décida donc de faire bouillir les chairs du connétable pour les séparer des ossements et on enterra celles-ci dans le cœur de l'église des Cordeliers où un service solennel fut célébré. Le cœur de du Guesclin fut ensuite acheminé jusqu'à Dinan et déposé sous une dalle au couvent des Jacobins. Toutefois, comme Charles V voulait lui donner une nouvelle preuve de sa reconnaissance, il décida de faire enterrer les ossements de son fameux connétable dans la basilique royale de Saint-Denis, aux côtés des rois de France, ce qui était un privilège très rare. Le squelette de du Guesclin fut donc finalement acheminé jusque-là. La coutume de la tripartition du corps, qui, dans ce cas précis, fut même une quadripartition, vous paraîtra peut-être étrange, voire même barbare. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, la télévision n'existait pas pour orchestrer des spectacles comme celui auquel a donné lieu l'enterrement de la reine Élisabeth II en 2022. Le rituel de la tripartition du corps était un moyen efficace de mobiliser les foules pour rendre hommage à une personnalité hors du commun. Les sources de l'époque ont noté que, dans toutes les cités du royaume que traversa le cortège funèbre de du Guesclin avant d'arriver à Dinan, de grandes processions furent organisées par les gens d'église et les notables afin de permettre à la population d'honorer le grand homme.